Autour de moi s'agit de mots, et ma peine c'est que la vie. Je la prends puis j'en maudis. Je n'espère pas le vrai bonheur, mais rien que peu de liberté. Chercher l'erreur dans vos idées, trouver mon chemin parmi vos rires. Je ne veux pas être un héros et j'ai le patriotisme. Je veux seulement chercher l'erreur, trouver l'issue parmi vos rires. Je n'espère pas le vrai bonheur, mais rien qu'un peu de liberté. Chercher l'erreur dans vos idées, trouver l'issue parmi vos rires.